Jean Bosco, Douiman. Bon après-midi à vous tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les grands titres de cette édition. Des pays et organisations partenaires et techniques financiers du Burundi appellent le gouvernement à engager des concertations avec les ONG dont les activités ont été récemment suspendues pour des clarifications sur la nouvelle loi les régissant. Ils estiment que cette suspension pénalise les populations bénéficiaires de leurs interventions dans divers domaines de la vie. Et un député élu dans la circonscription de Ruyigi accuse l'administrateur de Gisuru de soutenir les jeunes affiliés au parti au pouvoir dans leur méconduite, ce que rejette cette autorité locale. Ce député affirme qu'un certain Sengiyumva Méthode a été passé à tabac dimanche par des jeunes de la colline Nzozi. Et les Batois, habituellement vivant dans des maisons en paille, affirment ne pas pouvoir utiliser des moustiquaires pour lutter contre le paludisme en raison des difficultés de leur installation. C'est un reportage sur la colline en commune et province Ngozi. Et dans la chronique judiciaire ce jeudi, un juriste nous expliquera les conditions dans lesquelles un détenu préventif peut bénéficier d'une liberté provisoire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un groupe de partenaires techniques et financiers appelle le gouvernement burundais à des concertations avec des organisations non gouvernementales étrangères pour des clarifications sur la loi de 2017 régissant les ONG au Burundi. Ils l'ont déclaré dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Les détails avec Moïse Misago. Ce communiqué sorti ce mercredi par ce groupe de partenaires précise que la plupart de l'aide des populations vulnérables passe par ces ONG. Ces partenaires notent que certaines organisations qui ont déjà soumis les documents exigés ont vu leur suspension levée et ont déjà repris leur travail, tandis que d'autres restent suspendues. Ils précisent que cette suspension a des conséquences préjudiciables pour la population burundaise et l'économie du pays, poursuit le communiqué. Ces partenaires composés des pays comme le Japon, le Canada, la Suisse, les États-Unis d'Amérique ainsi l'Organisation des Nations Unies et l'Union Européenne tiennent à souligner le travail important que réalisent ces ONG en vue d'améliorer les conditions de vie de la population burundaise, en particulier les initiatives de longue durée qu'ils exécutent en coopération avec le gouvernement du Burundi, comme la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida, la nutrition, l'appui au rapatriement volontaire des réfugiés burundais, l'appui en semences et en engrais chimiques, un engrais chimique bénéficiant à plusieurs centaines de milliers d'agriculteurs. Ces partenaires du Burundi reconnaissent les aspirations du gouvernement burundais en vue d'arriver à une force de travail qui reflète la diversité sociale du pays. Ils saluent, toujours dans ce communiqué, la démarche entreprise par différentes organisations en vue d'obtenir des clarifications supplémentaires sur certains aspects de la loi de 2017 concernant leur fonctionnement, ce qui permettrait de s'aligner à la fois aux lois burundaises et aux bonnes pratiques internationales en matière et aux exigences administratives et financières des bailleurs. Ces partenaires techniques et financiers réitèrent leur disponibilité au dialogue avec le gouvernement burundais afin d'améliorer leur appui et de continuer à accompagner la population burundaise sur le chemin de développement durable. Moïse Misago, un certain Sengiyumva Méthode de la colline Nzozi en commune Bweru en province de Ruyigi a été tabassé ce dimanche par les jeunes Imbonerakure affilié au parti au pouvoir dans cette localité, selon le député Pascal Bizumuremyi, élu dans la circonscription de Ruyigi. Cet élu du peuple accuse l'administrateur de la commune Bweru, et non Gisuru, comme je le disais dans les titres, de soutenir ces jeunes dans ce genre de méconduite. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Il y avait un habitant de la commune Bweru, colline Nzozi, zone Mubavu, qui venait de la Tanzanie. Il a rencontré un groupe de Imbonerakure de cette colline qui lui disait de payer une amende afin qu'il soit réintégré dans cette société locale. Il a obéi. Après avoir obéi, il s'est vu par après être attaqué par cette bande des Imbonerakure, dirigée par, si vous voulez, le chef des Imbonerakure, avec son adjoint. Puis, il a pu s'enfuir et on l'a blessé sérieusement jusqu'à ce que ses intestins se voyaient à l'extérieur du ventre et se blessaient et hospitalisés en hôpital de Kibuye. Mais par après, le soir, c'est là où on a quand même chuchoté tout en disant que ces deux individus qui ont commis ce crime ont déjà pris fuite. Mais jusqu'à maintenant, la population se pose une question. Comment ces deux individus ont pu prendre fuite? Permettez-moi quand même de dire, il y a un terme adéquat qu'on dit. Si quand même on amène un coupable devant l'administrateur de Bouero et que ce coupable dit non, immédiatement l'administrateur laisse partir ce coupable. Est-ce que vous avez porté plainte au sein de l'administration? Quelle a été la réponse? Ce n'est pas la première fois que je porte plainte aux autorités locales. Même si on porte plainte à cet administrateur, il ne fait rien. En tant qu'honorable élu dans la circonscription de Luigi, qu'est-ce que vous demandez? C'est d'opiner sérieusement ces gens qui ont fait ce crime à cet homme. Et l'administrateur de la commune Ebgueru rejette ces accusations. Nadine de Venancy affirme que ce jeune a été tabassé par son ami avec qui il partageait un verre dans un débit de boisson. Alors que le Burundi célèbre dans quelques jours le 25e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, ce dossier devrait être réouvert pour que ses commanditaires soient jugés et condamnés. Selon maître Fabien Segatois qui a suivi ce dossier, une nouvelle enquête est indispensable. On écoute ses explications. Pour le procès du président Melchior Ndadaye, eh bien jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans, le dossier n'est pas encore terminé. Effectivement, il y a eu un dossier du premier degré contre lequel le procureur général de la République a formé un pourvoi en cassation, mais ce pourvoi est encore en cours, ça fait déjà 20 ans. Toujours est-il que même le premier degré, nous qui avions défendu ce dossier, eh bien nous avons toujours crié en disant que ceux qui sont devant la barre ne sont pas vraiment les vrais responsables de ce coup d'État. Donc jusqu'aujourd'hui, les vrais responsables de ce coup d'État ne sont pas connus. Il est vrai aussi, puisque j'ai suivi le dossier, les gens qui avaient commencé les instructions et qui allaient tout droit vers les commanditaires, eh bien par après, ils ont été assassinés. Mais celui qui avait fait les premières investigations, et les premières investigations étaient bien menées, mais après une semaine, eh bien on a changé l'équipe et on a mis une équipe qui regardait à droite au lieu de regarder à gauche. On voyait bien que la deuxième équipe était là pour brouiller les pistes. Ce qui veut dire que jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le commanditaire de ce coup d'État. Ce qui doit être fait, et je pense bien que ça sera fait, c'est qu'on fasse une nouvelle enquête et qu'on pousse loin les enquêtes pour voir effectivement les gens qui étaient derrière cet assassinat. Donc, en d'autres mots, nous devons faire tout pour que les gens qui ont commandité l'assassinat du président américain, qui ont voulu tuer la démocratie, eh bien, ces gens-là doivent normalement être poursuivis. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les communes dans lesquelles sont extraits des mines devraient s'organiser en attendant que les taxes issues de ces minerais soient harmonisées. Le ministre de l'Énergie et des Mines l'a dit ce mardi en commune Mutimbuzi lors de la clôture des réunions de sensibilisation pour une exploitation légale des mines et carrières dans les 5 régions du pays. Le même ministre a en outre rappelé à différentes autorités qu'il faut éviter toute insubordination dans ce secteur. Mireille Kanyang. Dans cette réunion de ce mardi, Nadine Gachuti, gouverneur de la province de Bujumbura, a indiqué que certains des exploitants des carrières, certains administratifs ainsi que certains du corps de sécurité ne collaboraient pas assez. Tu vas chez l'administrateur, il te dit qu'il ne sait pas grand-chose, mais le chef de colline connaît ceux qui font cela. Et ceux-ci disent que ce sont leurs terrains et que le gouvernement a refusé de les indemniser. C'est ce genre de difficultés que nous rencontrons. Ce qui est étonnant, les voitures de type Ben continuent d'aller extraire des minerais et on entend dire que c'est un policier qui a autorisé cela. Nous devons travailler en étroite collaboration pour mener à bien ce travail d'extraction, sans oublier la mise en place d'une loi qui existe d'ailleurs, mais qu'il faudrait appliquer. Sur ce, le ministre Komema Nirakiza a précisé que chaque exploitant doit informer l'administration provinciale et communale et éviter toute insubordination. Personne ne devrait mener une quelconque activité à l'insu de l'administrateur. Ce n'est pas possible. Nous luttons contre l'insubordination et le gouvernement ne peut pas tolérer ça, que chacun travaille dans le strict respect des autres. Burundi. Quant à Jean-Pierre Niongabo, administrateur de la commune Mutambu, il voudrait qu'il y ait une valeur ajoutée pour les communes riches en sous-sol. Le ministre de l'énergie et mines a répondu qu'il faut attendre le résultat d'une collaboration de son ministère ainsi que celui ayant les communes dans ses attributions. Le ministère en charge des communes a demandé de collaborer avec le ministère de l'énergie et mines pour mettre sur pied le degré des taxes communales. Nous savons que chaque commune sait comment s'arranger avec des exploitants et c'est pourquoi je vous demanderai de continuer ainsi en attendant qu'une loi relative soit votée. La réunion de ce mardi regroupait les coopératives et sociétés opérant dans le secteur des mines et carrières de la région ouest du pays. Les entreprises de construction CMC et Orascom ayant conclu un contrat avec la Régie des eaux pour la construction des barrages hydroélectriques sur les rivières Djidji et Mourengue comptent établir une bonne coopération avec les entreprises locales de construction. Adriano Donadon, le représentant de ces entreprises, l'a déclaré à l'occasion de la signature ce mercredi du contrat entre la Régie des eaux et ses entreprises CMC et Orascom. Suivez Adriano Donadon au micro de Vestine Boutoui. Very well, the construction is working in all the continents of the world. Notre entreprise de construction travaille dans tous les continents du monde, en Afrique, Asie, Europe, Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. En Afrique, nous travaillons au Nigeria, au Kenya, Malawi, Angola, Namibie, Afrique du Sud et au Mozambique. Je pense que nous travaillons dans plusieurs pays. Quelle est la motivation qui vous a poussé de venir au Burundi? La motivation est que, en tant qu'entreprise de construction, nous souhaitons faire une telle construction. À ce que je sache, celui-ci est le projet le plus important ici au Burundi. Et ils ont cherché une entreprise internationale et nous avons adapté la nôtre aux besoins du pays. Et alors, nous avons gagné. Quelle sera la coopération entre votre entreprise et Orascom et les entreprises locales de construction? Comme entreprise de construction, nous verrons s'il y a des possibilités d'employer ces entreprises locales parce que vous savez que ce projet est très difficile. Ce n'est pas un projet facile et donc s'il y a les possibilités d'employer ces entreprises locales, nous le ferions équitablement. Project is not an easy project and if there is the possibility to employ local people, it qualifies the local company. Adriano Donadon, représentant une des entreprises CMC et Orascom, dans la traduction de Médar, Niyonguru. L'administrateur de la commune Ngozi met en garde tout habitant de la ville de Ngozi qui n'a pas encore creusé un puisard devant contenir l'eau issue de la toiture de sa maison. Songambere Rajabou indique que la mise en place de ces puits sert de prévention des dégâts causés par les eaux de ruissellement en cette saison des pluies. Des eaux de ruissellement qui salissent les sources d'eau alimentant la ville de Ngozi. Apollinaire Mouzagara pour les détails. À travers différentes affiches éparpillées dans les quartiers de la ville d'Ngozi, l'administrateur de cette commune appelle les propriétaires de parcelles à mettre sur pied des puits servant à contenir l'eau de pluie et même celle utilisée dans la cuisine. Cela diminuerait les dégâts qu'occasionneraient ces eaux durant cette saison pluvieuse. L'eau de la cuisine contamine, selon cette autorité, les sources d'eau de Kimanga, Samutuku et Mudahamagagwa alimentant cette ville. À cela sont principalement pointés du doigt les tenants des restaurants et hôtels ainsi que ceux des stations de produits pétroliers. Songambele Rajab en profite également pour exiger à la population de cette ville l'installation des ampoules dehors sur les murs de leur maison afin de lutter contre les bandits qui profitent de l'obscurité. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Le reportage du jour nous conduit à Muyinga. Il est quasi impossible aux Batois vivant dans les maisons en paille de se servir d'un moustiquaire imprégné d'insecticides pour lutter contre le paludisme. L'exemple est celui des Batois de la colline Chiware de la commune et province Muyinga. et Pangosi, comme je le disais, et dans les titres. Eh bien, ces batois justifient qu'en plus des difficultés, ils ont des difficultés d'installation de ces moustiquaires vieillissent rapidement. Alors qu'ils demandent à l'administration de leur construire des maisons en briques, la commune de Muyinga affirme l'avoir déjà planifiée et appelle cette communauté de toujours faire recours aux techniques de lutte contre le paludisme. Sur place à Muyinga, nous appelons Placide Niyomungere pour son reportage. Chibare est frontalière de la ville de Muyinga. Elle est habitée par une soixantaine de familles des Batois et parmi les maisons y érigées, une seule est en brique non cuite et le reste, avec une hauteur d'environ un mètre, est en paille. Pour accéder à l'intérieur de ces constructions dénommées Mitego, il faut s'incliner fortement. L'état ne permet pas de dormir sous une moustiquaire imprégnée, explique-t-il. Selon lui, un enfant passe la nuit à côté d'un autre, tout près des trois pierres qui servent de cuisine. La moustiquaire se trouve entre les deux lits. Avec ses maisons, ajoutait-il, un malfaiteur peut tirer la jambe de celui qui est à l'intérieur. Il se demande si c'est dans ces maisons-là qu'il faut mettre des moustiquaires. Ces outils de protection contre le paludisme, ajoutait-il, sans maison, ne valent rien. Manila Kizaka Bahizi, une septantaine, explique qu'à défaut d'être endommagé par les pluies, les moustiquaires qu'ils ont reçus sont troués par des souris. Selon elle, il n'y a pas de moustiquaire à l'intérieur de sa Mitego. Elle dit qu'elle avait été servie, mais que sa moustiquaire a été déchirée par des souris. Elle ajoute qu'elle était mal installée compte tenu de son état de son abri. S'il pleut, elle essayait de se couvrir, mais sans effet. En ce qui concerne la construction de leur maison, Minan Lambert, conseiller communal chargé des questions administratives et sociales à la commune Muyinga, tranquillise que le projet a débuté dans d'autres zones de cette commune et qu'eux aussi y sont du nombre. La commune Muyinga ne peut pas supporter en même temps toutes ces batois. Il essaie d'aller petit à petit. Alors, la zone Chumba, il y a l'ONG qu'on appelle Haute Vision qui aide dans cette activité. Maintenant, cette ONG a donné des tôles pour la commune et elle essaie de mobiliser la population pour la fabrication des briques. Alors, pour la zone de Muyinga, la commune a déjà demandé électeurs pour assister ces bateaux. Ces familles regrettent néanmoins que celui qu'ils avaient délégué comme agent de santé communautaire n'a pas été formé et n'a reçu aucun outil pour traiter à domicile les cas de paludisme pour les enfants. Et par conséquent, déplorait-il, ils sont obligés de couvrir les soins de santé. Elle dit qu'elle ne peut pas se permettre d'aller au centre de santé poche vide. Elle précise qu'on exige de l'argent avant tout, même pour les enfants. Si je tombe malade, poursuit-elle, je préfère rester ici pour que Dieu me sauve. Face à ces lamentations, le directeur provincial de la santé dans cette province de Muyinga, Dr Eric Ngunzimana, justifie que la communauté des Batois est prise comme indigente à condition qu'elle présente une carte d'assurance maladie délivrée, dit-il, à celui qui figure sur les listes qui ont été établies par leur association baptisée Uniproba. Il appelle celui qui n'en a pas eu de se confier à la dite association pour qu'il soit bénéficiaire des soins de santé gratuitement. De Muyinga, Placide Niyomungere pour la Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique justice. Un détenu préventif peut bénéficier d'une liberté provisoire sur décision du juge ou sur demande du procureur de la République. Le directeur du Centre de formation professionnelle de la justice explique que le procureur est appelé à mettre en application une telle décision éventuellement prise par le juge, sauf en cas d'appel. Édouard Minani fait remarquer que la détention en dehors des conditions prévues par la loi est considérée comme dont l'enlèvement. Éclairage dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Boukayenez. Un inculpé peut être mis en détention préventive dans le strict respect de sa liberté, la détention étant une exception. Le procureur de la République le place sous mandat d'arrêt dans un délai ne dépassant pas 15 jours afin de le présenter au juge, et cela pour une infraction réprimée d'une peine d'au moins une année de servitude pénale, ce qui faisait l'objet de la précédente chronique. Le directeur du Centre de formation professionnelle de la justice explique que la détention, en dehors de ces conditions, est assimilée à l'enlèvement, une infraction prévue par le code pénal. Lorsque on ne respecte pas alors les conditions prévues par la loi et qu'on arrête abusivement ou arbitrairement, par arbitrairement vous avez entendu déjà qu'il y a infraction déjà, mais on dit qu'on peut le poursuivre pour enlèvement ou pour d'autres atteinte aux droits garantis aux particuliers. Ça, c'est le volet pénal. Pendant 30 jours, durée de l'ordonnance de détention préventive, le prévenu peut être libéré provisoirement quand le magistrat instructeur le juge nécessaire. Le ministère public, en délai 15 jours, peut constater qu'il n'a pas de charge suffisante. Il peut libérer provisoirement l'individu qui comparaîtra alors étant en liberté. De même, pendant les 30 jours de l'ordonnance de mise en détention préventive délivrée par le juge, le ministère public aussi peut libérer provisoirement, sans avis même du juge. Lorsque le juge ordonne la libération provisoire d'un détenu préventif, le ministère public doit alors délivrer un mandat d'élargissement au profit de l'inculpé. C'est le ministère public qui doit alors dresser un mandat d'élargissement. Lorsque le ministère public est satisfait, il exécute le jugement et donne un mandat d'élargissement pour que l'inculpé soit libéré au niveau de la prison. Au cas où le ministère public n'est pas satisfait de l'ordonnance du juge, il n'a qu'à interjeter appel avec motivation pour des faits nouveaux contre l'inculpé. Lorsque le ministère public n'est pas satisfait, il interjette appel contre la mesure prise par la chambre de conseil. Le ministère public doit suffisamment motiver les charges. C'est des charges suffisantes, c'est des charges nouvelles, c'est des faits nouveaux qu'il a découverts après. Il doit les mettre dans la requête qu'il adresse au juge d'appel. Des arrestations massives en cas de criminalité peuvent être à l'origine de la surpopulation carcérale et par conséquent, les détenus préventifs peuvent largement dépasser les condamnés. On a des provinces qui ont des juridictions, des parquets, mais qui n'ont pas de prison, de maison d'arrêt. Il y a des périodes aussi d'un peu de troubles où on observe des arrestations massives. Des fois, les magistrats sont astreints au travail, même le week-end, ce qu'on appelle la permanence pénale. C'est pour que finalement on respecte les délais de procédure, les délais de détention préventive. Le directeur du Centre de formation professionnelle de la justice considère que la justice doit faire preuve de sagesse pour ce qui est de la détention préventive. Édouard Minani indique que le non-respect des délais ainsi que la détention en dehors des conditions prévues par la loi rentre dans la violation des droits de l'homme. Merci Alain Désiré Wokeyeneza. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Francine Ndihokubwayo pour la réalisation. Ce journal a été mis en onde par Eric Ouimana. Au micro Jean Bosco Ndouimana. Passez un bon après-midi.